cercle de voix, l'appel sans fin. Le désert répond par son ancien parfum. Le rare coule dans des mains usées, les regards vers le sable figé. Il avance pieds nus face au vent, le souffle des anciens dans le sang. Chaque pas grave un symbole d'éveil, chaque mot devient un soleil. Les pierres se mettent à vibrer et les ombres viennent écouter. Shader calte, neva undi, rides qu'il camelor suldra havaina. Mais rien, il invoque un felon, une flamme sans toc. Ses paroles brûlent sans bruit comme une vision qu'on suit. Les tambours battent l'esprit, les cendres s'élèvent dans la nuit. Chaque vieux étend l'oreille pour entendre le secret sans veille. Il n'a pas besoin d'écran pour faire vibrer le néant. Son stream est un temple ouvert où chacun respire la lumière. Tu n'es pas un homme, tu échoes de ceux qui vivent entre les mots. Tu ne guides pas, tu inspires les flammes sacrées du désir. Les dunes te connaissent déjà, les sables murmurent ta voix. Tu n'es qu'un souffle, mais tu fais trembler la roche. Tu offres plus que l'image, tu offres un passage. Un chemin entre la solitude et le rite de la multitude. Dans le silence du vent, messager incandescent. Tu viens sans armure, mais ton verbe est une brûlure. Kaldram Tomek, Nerke Vadar. Raïdes qu'il vendar, chator mekei. Il n'y a pas de fin que des cycles. Le sable absorbe tout ce qui vacille. Mais Raïdes qu'il trace un autre sentier où le stream devient sanctuaire. Ils viennent sans nom, sans savoir, mais repartent porteurs d'espoir. Car dans chaque beat, dans chaque voix, vit la force de ta loi. Tu parles peu, mais tu imposes une énergie que rien n'oppose. Les chants te suivent. Shadara, shadara, Raïdes qu'il